Un cri dans la nuit. Rien de mieux pour vous donner la chair de poule. En ville, c'est peut-être un cri de femme, un cri de peur, un cri de colère, un cri de plaisir, peut-être. En pleine campagne, dans une forêt, c'est plus inquiétant encore. En Irlande, en Écosse, au Pays de Galles, il existe un cri qui vous fera dresser les cheveux sur la tête. Surtout, si vous savez ce qu'il signifie. Ce matin, le groupe d'étudiants de l'Université de Rouen se réveille de bonne humeur. À nous deux, l'Irlande! Ah, tu vas voir comment nous sommes, nous autres, les petits mangeurs de grenouilles! Tout le groupe se retrouve bientôt dans la salle à manger de l'auberge MacTarrish. Ils sont 12 filles et garçons et commencent un séjour de 15 jours dans le comté de Clare. Le groupe est sous la direction du père Rivette. Aujourd'hui, nous allons rendre visite au père O'Donnell. Vous verrez, il est super sympathique. Nous sommes connus quand il est venu faire ses études en France et nous nous voyons aussi souvent que possible, soit ici, à Glamorley, soit dans ma paroisse. Eh bien, vive le père O'Donnell ! Graham O'Donnell est rouquin, souriant, barbu, un peu couperosé et athlétique. Il distribue aussi volontiers l'eau bénite que le whisky, mais les jeunes Français se méfient des alcools irlandais. Et le soir à la veillée, tout le groupe est assis autour de la cheminée où flambent des bûches. O'Donnell dit avec un accent rocailleux « Ah, bien sûr, ici en Irlande, vous êtes au cœur d'un pays catholique. Mais sous la mince couche de la religion chrétienne, il existe la religion celtique. Impossible de le nier. Ici, on croit aux fées, aux lutins, aux esprits cachés dans les arbres, dans les sources, aux nymphes de lac et aux revenants des marais. Oh, père O'Donnell, vous nous charriez. On est au XXe siècle. Ne me dites pas que vous croyez aux gnomes et autres balivernes irlandaises. » Le père O'Donnell prend soudain une expression grave. Il tire sur sa pipe en silence. Son regard vert se pose sur Daniel Méréal, le jeune homme qui vient de l'interrompre. Si j'étais vous, jeune, comment dit-on, jeune présomptueux, je tournerais cette fois ma langue dans ma bouche avant de dire n'importe quoi. Le père Rivette, le français, approuve. Tiens, Daniel, tu mets ça dans ta poche avec ton mouchoir par-dessus et attends d'avoir un peu plus d'expérience. Le père O'Donnell, les yeux tournés vers le plafond noirci de fumée, dit... Qui sait si avant la fin de votre séjour, vous n'aurez pas eu l'occasion de changer d'opinion sur les dieux de l'Irlande éternelle. Bon, parlons d'autre chose. Demain, il y a bal au village. Je crois que c'est une bonne occasion de faire connaissance avec notre beau folklore. Si vous êtes d'accord, je vous accompagnerai et je pourrai vous expliquer tous les détails, les costumes, les danses, les chansons. Ah, ça ne sera pas un luxe, parce qu'il y a un monde entre l'anglais qu'on nous apprend à l'université et la langue des villageois. Nous sommes irlandais, monsieur, pas anglais. Le lendemain, au moment où le soleil se couche, le père O'Donnell, avec un gros pull sur sa soutane et chaussé de gros souliers à clous, arpente d'un bon pas la route qui mène au village tout proche de Flaherty. Les étudiants et le père Rivette ont de la peine à suivre son rythme. Ils commentent le paysage. Ici, on entend parfois le cri de la banshee. C'est quoi cet animal? Votre banshee? La banshee, B-A-N-S-H-E-E, n'est pas un animal. C'est une femme blonde, très pâle, que l'on voit parfois en train de se peigner avec un peigne cassé. Ah ben si on la voit, je lui donnerai le mien. Il est en corne garantie. Le père O'Donnell ne relève pas l'interruption du plaisantin. Il paraît que son visage est si triste qu'elle donne envie de mourir. Et c'est ainsi que l'on explique les suicides, ou plutôt les morts inexpliquées qui endeuillent souvent le pays. Vous ne pensez pas que le whisky irlandais, il serait plutôt pour quelque chose? En tout cas, la banshee crie parfois. Et cela annonce dans certaines familles la mort d'un enfant. Chez certains, elle ne crie que pour annoncer la mort de l'aîné. Chez d'autres, c'est le présage de la mort du cadet. Du coup, tout le groupe se tait. La nuit est déjà tombée, et chacun tend l'oreille pour essayer d'identifier tous les bruits et les cris d'oiseaux ou d'animaux qui se font entendre entre la lande et les collines. Ah ! On arrive, j'entends déjà les biniou. Espèce d'ignare ! Ce ne sont pas des biniou, ce sont des cornemuses. Après une soirée extrêmement joyeuse, tout le groupe se rassemble pour rentrer à l'auberge MacTarich. Il y a quelques 3 kilomètres à faire. Le père Rivette, le père O'Donnell ouvrent la marche. Pas question d'aller s'enliser dans un marécage. La pleine lune éclaire le chemin et toute la troupe suit en ricanant. Dame, la danse a donné soif. Il a bien fallu goûter la bière et le whisky, histoire de se faire une opinion des spécialités locales. Soudain, le groupe entier se fige. Personne n'ose rien dire, mais tout le monde pense. La Banshee. Un cri effrayant d'angoisse interminable vient de retentir quelque part. Là, non loin de la route. Est-ce un cri humain ? Personne ne le pense. Un animal ? Cela semble impossible. Enfin, une des jeunes filles trouve la force de dire « Père, vous avez entendu ? Qu'est-ce que c'est ?» Le père O'Donnell est figé sur le bord du chemin. Il regarde dans le noir vers la forêt impénétrable et il se met à hurler des horreurs en irlandais. Si quelqu'un du groupe comprenait, il serait étonné car il s'agit d'une série de blasphèmes bien étonnants dans la bouche d'un prêtre. Il hurle et tout en même temps fait le signe de croix. Le père Rivette l'imite machinalement. À nouveau, un hurlement perce la nuit. Tout le monde sent soudain qu'il a la chair de poule. Daniel Méréal lance « Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que vous avez tous à rester comme ça ? Vous avez vu quelque chose ?» Personne ne semble lui porter la moindre attention. Daniel saisit le père Rivette par la manche de sa soutane et répète sa question. « Hé, vous m'entendez ? Qu'est-ce qui vous arrive ?» Daniel, tu n'entends pas ce cri ? Le père O'Donnell semble sortir d'un rêve. « Daniel, vous n'avez rien entendu ? Mais entendu quoi ? Il y avait une chouette ou un hibou qui hurlait ? Et ça vous suffit pour vous bloquer sur place ? » ?»« Vraiment, mon petit Daniel, vous n'avez pas entendu ce long cri dans la nuit ?» Apparemment, Daniel n'a rien entendu du tout. Le père O'Donnell prend soudain le père Rivette et l'entraîne à l'écart. Il lui murmure quelque chose à l'oreille. Le prêtre français écoute et recule brusquement en arrière avec un haut-le-corps. Graham, je t'en prie, tu es fou ! Mais Graham O'Donnell hoche silencieusement la tête comme pour dire « Tu verras ce que je te dis, il n'y a aucun doute là-dessus. » Le père Rivette dit « Allez, il est temps de se mettre au lit, en route. Demain, nous avons une longue balade le long de la côte, il faut se lever de bonne heure. » Il attrape Daniel Méréal par le bras et l'entraîne avec lui. Toute la troupe suit, silencieuse, comme perdue dans ses pensées. Graham O'Donnell ferme la marche. Parfois, il se retourne pour considérer l'endroit d'où venait le cri inhumain. Mais la nuit a retrouvé son calme. Les étoiles brillent. On n'entend que le mugissement des vagues qui se brisent le long de la falaise, 30 mètres plus bas. Le lendemain, toute la troupe se lève de bonne humeur. Il pleut, mais cela n'entame en rien l'enthousiasme. On a bien un peu mal aux cheveux. La vieille Margaret, la bonne du père O'Donnell, marmonne. « Si j'étais vous, je ne sortirais pas aujourd'hui. C'est un jour à attraper mal. Ces jeunes Français ne sont pas bâtis pour notre climat. Et puis, si vous avez entendu la Banshee... » Le père O'Donnell fait un signe de croix sans lâcher la pipe qu'il tient à la main. « Taisez-vous, Margaret !» Le père Rivette et son groupe s'éloignent et font des signes d'adieu en franchissant la petite barrière qui sépare le presbytère de la route. Dans l'après-midi, le père O'Donnell ne parvient pas à se concentrer sur la lecture de son bréviaire. Toutes les 5 minutes, il jette un coup d'œil par la fenêtre. Soudain, il voit un groupe qui arrive sous la pluie, toujours aussi battante. « Ah, les voilà enfin !» Margaret regarde elle aussi. Malgré son âge, elle a l'œil encore perçant. « Par Saint-Patrick, Il est arrivé quelque chose. Je vois les fils Parnell qui sont avec eux. On dirait qu'ils portent quelqu'un sur une civière. Le père O'Donnell est déjà sur la route. Il retousse sa soutane pour courir plus vite. Le père Rivette est en tête de la petite troupe. Rien qu'à voir son visage, on devine qu'il y a eu une catastrophe. Jean-François, que s'est-il passé? Mon pauvre Graham. C'est Daniel. Il a voulu faire des photos, et en s'approchant trop près du bord de la falaise, il a glissé sur le rocher mouillé. Il a fait une chute de 15 mètres. Rien n'y a fait. Il était mort quand nous avons pu nous approcher de lui. Les quatre frères Parnell, quatre colosses, ont posé la civière sur le sol. Sous un plaid multicolore, Daniel Méréal repose. Il a encore du sang sur le visage. De toute évidence, il est mort sur le coup. Jean-François Rivette dit « C'est ma faute. J'aurais dû t'écouter. Nous n'aurions pas dû faire cette excursion. » Le père O'Donnell s'agenouille à même le sol détrempé pour dire la prière des morts. Puis il vient tenter de consoler son ami Rivette. Tu n'aurais rien pu faire. Il était condamné. Même s'il était resté au lit toute la journée, il serait mort. Hier, quand nous sommes rentrés du bal, Daniel était le seul à ne pas avoir entendu le cri de la Banshee. C'est un signe qui ne tombe pas.